un air mélancolique. Genre agent ou alcoolique, je veux pas de morale. C'est qu'un rapport de notre vie à l'oral. Homme ou femme, bon ou infâme, car ses personnalités c'est pour l'évolution des mentalités. Un air mélancolique, genre agent ou alcoolique, je veux pas de morale. C'est qu'un rapport de notre vie à l'oral. Homme ou femme, bon ou infâme, car ses personnalités c'est pour l'évolution des mentalités. À chaque thème que j'aborde, j'ai plus très bien par où commencer. Enfermé dans un studio, bah t'as vu comment c'est. Soudain j'ai un truc qui m'inspire, et puis je commence à écrire. Je te parle de ma vie, peut-être de la tienne aussi. Car je chante pour les jeunes et les vieux, naïfs ou consciencieux, afin de faire évoluer les mentalités des nôtres. Je te fais pas la morale, je suis pas mieux qu'un autre. J'ai peut-être 10 ans de plus ou 10 ans de moins que l'auditeur ou l'auditrice. Mon fond prend forme sous forme de lyrics, prohibé et instructif. Parfois on ressent le sentiment de puissance. Courir à contre-sens, pour moi ça n'a plus de sens. Pense tes blessures, car le sang attire les hyènes. Celles les forts survivent dans l'arène. Et ça c'est le son de la haine. Un air mélancolique, humeur du ghetto. Tel un nerveux alcoolique. Pour homme fragile ou femme solide ou l'inverse. Même les gros durs en manque d'affection prendront ça comme une caresse. Profil. Un air mélancolique, genre agent ou alcoolique. Je veux pas de morale, c'est qu'un rapport de notre vie à l'oral. Homme ou femme, bon ou infâme, car ses personnalités c'est pour l'évolution des mentalités. Un air mélancolique, genre agent ou alcoolique. Je veux pas de morale, c'est qu'un rapport de notre vie à l'oral. Homme ou femme, bon ou infâme, car ses personnalités c'est pour l'évolution des mentalités. J'ai les choses de la vie dans mon sommeil. Quand je me réveille, je t'en parle au creux de l'oreille. Y'a les potes et les gratteurs. J'suis un ex-fraudeur, je me sers de ce que je sais. Je fais comme je sens, avec du talent et ça se ressent. Y'a le sourire et les larmes, le bonheur et les drames. Les marmots qui braillent, les mêmes bouquets de fleurs aux funérailles. Les sensations fortes, les amitiés mortes, bref. Trop peu d'issues dans la vie, rares sont les portes de secours. Hey, sur tout ce qui t'entoure. J'ai trop d'images dans la tête, trop de ratures dans mon texte. Mes écrits saturent sur la feuille comme ce monde qui sature comme d'habitude. Et puis tu sais, quand tu changes d'auto, tout le monde pense que t'as pris des lovés dans la musique. Ils disent gars là il pèse trop lourd, il faut le tester. Et ceux qui me parlaient d'amour commencent à me détester. Remercie maman pour ton confort, merci tes potes pour leur réconfort. Et si tu dis je t'aime à ta mère, c'est toute ta vie qui change. Un air mélancolique, genre agent ou alcoolique. Je veux pas de morale, c'est qu'un rapport de notre vie à l'oral. Homme ou femme, bon ou infâme, car ses personnalités c'est pour l'évolution des mentalités. Un air mélancolique, genre agent ou alcoolique. Je veux pas de morale, c'est qu'un rapport de notre vie à l'oral. Homme ou femme, bon ou infâme, car ses personnalités c'est pour l'évolution des mentalités. Un air mélancolique, genre agent ou alcoolique. Je veux pas de morale, c'est qu'un rapport de notre vie à l'oral. Homme ou femme, bon ou infâme, car ses personnalités c'est pour l'évolution des mentalités. Un air mélancolique, genre agent ou alcoolique. Je veux pas de morale, c'est qu'un rapport de notre vie à l'oral. Homme ou femme, bon ou infâme, car ses personnalités c'est pour l'évolution des mentalités. Cachez bien le rhum, la monnaie, parce que les douaniers fouillent.